Décret concernant Tayyip Erdogan. Cette question avait été posée pour certains Turcs qui avaient encore des doutes sur la mécréance de ce Premier ministre, aujourd'hui président, car il montre un certain attachement à l'islam. Erdogan récuse les accusations d'islamisme et se déclare démocrate, conservateur ou démocrate musulman, en référence aux démocrates chrétiens européens. Il s'affirme respectueux de la démocratie et de la laïcité et relègue la religion à la sphère privée. Erdogan est proche des partis chrétiens démocrates européens. Il a gommé toute référence à l'islam dans ses discours et son programme est pragmatique. Économie, vie quotidienne, etc. Question. Quel est votre avis en ce qui concerne le ministre Tayyip Erdogan en Turquie, aujourd'hui le président? Est-il musulman ou mécréant? Je voudrais une explication sur ce sujet. La réponse du Shir el-Mukhlif. C'est un Tawarit parmi les plus grands des Tawarits. Il est parmi ceux qui jugent avec les lois forgées et les imposent aux gens. Il fait partie de ceux qui croient en la démocratie et y appellent. Celui qui ne rend pas mécréant et ne se désavoue pas de ce Tawarit n'est pas musulman. Allah dit, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous croyons en vous. Désormais, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Sourate 60, verset 4. Et il dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tawarit, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Celui qui dit que Tayyip Erdogan est musulman et qu'il ne le rend pas mécréant, celui-là n'est pas musulman. Fin de citation.